en t'écrivant au miroir perpétué, tu te suspends à un couchant. L'acrobate saute vers d'autres orients. Tous n'avaient pas ce goût de sang. Les couleurs piaffent dans la palette. Chaque étonnement est vierge au seuil de l'an neuf. Le retour reconnu d'un regard plus profond. D'Illyrie venaient les marins d'Épidore, où les rires vivants saluaient Lysistrata et ses compagnes, ancêtres des révoltes. Toujours une première fois se cache dans les cycles, celle des enfants, des artistes. Qu'importe si la mémoire vacille entre les continents ignorés, la nostalgie des rencontres.